gratter, dans son chanton tous avec Musette parti. C'est réussi, Musette parti a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur de plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette parti, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chanton tous avec Musette parti. C'est réussi, Musette parti a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guerre, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien, bonjour auditrices et bonjour auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Guimouzou, Résonance FM et Fréquence Amitié. Alors, c'est votre émission, vous êtes partis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Votre émission, vous êtes partis, c'est tous les samedis sur Radio Guimouzou entre 10h et midi, sur Résonance FM de 11h à midi. Le samedi, bien entendu. Et également sur Fréquence Amitié, le samedi à partir de 9h. Ainsi que le dimanche, eh bien sur Radio Guimauzo dès 7h, sur le 107.0. Et dès 5h sur Résonance FM, le dimanche, 88.1. Et à Vesoul, vous nous écoutez eh bien sur le 91.3. Voilà. En espérant que vos vacances se passent bien. Dans la joie, la bonne humeur. Eh bien, on va aller du côté de Guadalajara. Eh oui, c'est un passo-doble interprété par Lionel Raffo. Lionel Raffo, extrait de cet album Roule ma boule. Un album en 14 titres. Eh bien, c'est parti avec Guadalajara et Lionel Raffo et son orchestre. Thank you. Eh bien, merci à Jean-François Blanc dans Musette Partie avec ce dernier passodoble Olé Sombrero. Voilà, dans Musette Partie, cet album, de Jean-François Blanc, eh bien, c'est La Fête aux Musettes. Un album en 15 titres où vous pouvez retrouver donc ce dernier passodoble Olé Sombrero. Alors après l'Espagne, eh bien on va aller du côté du Portugal, hein. c'est pas très loin, ça se touche avec Armando Das Neves, eh bien c'est un Portugais. Et cet album Folle Lusitano, eh bien un album en 22 titres. Hein. Eh bien voici une petite valse portugaise, ça s'appelle Amor de País. C'est signé Armando Das Neves et Jean-Marc Torchi. Voilà, et bienvenue dans Musette Partie. Hein. Si vous venez de prendre l'antenne, eh bien, restez branchés. C'est votre émission Musette Partie. Allez, Armando Das Neves. C'est parti pour la valse. Le folklore portugais. bah ça tourne un peu hein, quand même. Voilà, c'était notre ami, eh bien, également un Portugais, Manuel Nogueira, un album en 12 titres et cette dernière valse, eh bien, qui s'appelle Pour toi, mon Samy. Signé Manuel Nogueira, voilà. Manuel Nogueira et son orchestre, voilà. Avec un peu de tout, du tango, du passo, du folklore portugais. Donc cet album de Manuel Nogueira qui s'appelle Real Madrid. Allez, après la valse, eh bien, on va aller danser le tango. Direction l'Argentine. Avec ce tango qui s'appelle Caméléon Tango. Alors, c'est interprété par Christelle Jean Blanc, que vous pourrez retrouver donc le dimanche 28 juillet du côté de Bourbonne-les-Bains au Foulon de 15h à 20h pour un thé dansant. Donc ça sera animé par Christelle Jeanblanc. Alors si vous voulez le numéro de téléphone pour plus de renseignements ou pour réserver, eh bien le numéro c'est le 03 25 90 02 57. Je répète 03 25 90 02 57. Donc le dimanche 28 juillet. Caméléon Tango. Extrait de son tout dernier album, Souvenir d'une dernière valse. Et ce tango, eh bien, c'est de Christelle Jean Blanc, de Jérémy Vanro et Armand Bernacci. Allez, c'est parti pour le tango. Thank you. amoureusement, eh bien, c'est le titre de ce dernier tango que vous venez d'écouter par une dame également. Hein. C'était une grande dame, Isabelle Lépinet, extrait de cet album qui s'appelle L'Épinette. Et ce tango, eh bien, qui est de Éric Faure, Isabelle Lépinet, Oscar Allais. Voilà, c'est le nom du troisième compositeur. C'est pas Harley. Hein. Voilà pour les tangos. Alors, vous êtes bien dans Musette Party. Et après le tango, le quart d'heure argentin, eh bien, on va aller du côté de Cuba. Danser le cha-cha, eh bien, c'est cha-cha latina et c'est la fiesta du cha-cha. Interprété par notre ami Damien Berezinski et son orchestre. Damien Berezinski qui nous vient de la Marne, à côté de Reims. Alors c'est parti pour les cha-cha. Damien Berezinski dans Musette Party, et ça rime en plus. Thank you. tcha-tcha-tcha, eh bien oui, merci à Damien Berezinski. Ça fait du bien en tout cas le tcha-tcha hein, dans Musette Party. Eh bien, on poursuit. Après le tcha-tcha avec le twist, et c'est un Cyril que voici. Cyril Haricot, autrement dit Cyril Music. C'est comme ça, c'est son nom de scène. Alors, un album en 24 titres que voici. Et là, eh bien, c'est le twist en toc. Twist en toc, eh bien, c'est parti. Et c'est signé Cyril Haricot et Yannick Cluzeau. Allez, place au twist. Je deviens hystérique. Dans cette atmosphère, je touche l'admiration. Reprends mes repères, le cauchemar s'interrompt. Dans son cours écarté, diabolique aperçu, je me sens possédé par ce twist révolu. La confiance chemine et je vois arriver lointaines mais infaillibles nos plus belles années. Thank you. Eh bien, c'était votre serviteur et ce twist qui s'appelle le Spin a Twist. Le Spin a Twist, eh bien, c'est extrait de cette compilation. Qui s'appelle Accordéons-nous, volume 2, en 26 titres avec Laura Vimard, son petit frère, Anthony. Il y a également Christelle Jeanblanc. Enfin, en tout, il y a 26 titres avec du twist, de la valse, du tango, de la java, de la samba, du Madison. Et ce twist, eh bien, de votre serviteur, de Pierre-Alain Krumnacher, Romain Dupuis et Hubert Ledan. Et à noter que je vous donne rendez-vous dans le Doubs, le 28 juillet, à côté de Baume-les-Dames, entre Baume-les-Dames et Villers-Excel, à la guinguette du Thuyer à Mézandan. Donc le 28 juillet, de 14h30 à 19h, pour un thé dansant. Voilà une belle petite guinguette, hein, si vous ne savez pas quoi faire ce jour-là, c'est à découvrir. Dans une ambiance très conviviale. Vous avez même droit au goûter, hein, pour vous dire. Avec une boisson en plus. Alors, le numéro de téléphone de la guinguette du Thuyer à Mézandan, eh bien, c'est le 03 81 84 72 55. Je répète, 03 81 84 72 55. Bien, alors maintenant, on va aller danser la java. Une ch'tia de java pour l'heure. Et donc cette java, eh bien, c'est un classique. Hein, ben oui, c'est un classique. Puisque c'est la fusée que voici. Interprétée par Thierry Guiton. Voilà donc Thierry Guiton qui nous emmène en fusée. Avec la fusée, donc un album en 18 titres. Il y a la lambada dessus également, c'est bien ça. Il y a Reine de Musette, Rêve de Jockey, Les Triolets, entre autres, hein, voilà. Et la fusée que voici, Thierry Guiton. We'll be right back. Java là, que j'ai appris à danser ça. Ces petits pas rapprochés, on danse avec une mémé. On la prend, on la balance, doucement sans lui faire mal. Si vous désirez apprendre, il suffit de venir vous rendre au petit bal chez Pépé, pour aller venir swinguer une petite javaguette que l'on danse même sans basket. La javanée, on la danse même en chaussette. Elle est très très facile à danser, il suffit de l'écouter. La javanée, on la danse même en chaussette. On oublie tous les soucis, c'est pourquoi je suis partie danser même sans mes souliers. À force de venir danser, que j'en ai tout oublié. J'ai même laissé sur moi mes vieilles chaussettes trouées, que j'ai usé à la danse sans même me préoccuper. Je n'avais pas pris non plus ma paire de chaussures toutes neuves. J'avais peur des mal de pied pour aller venir danser une petite javaguette que l'on danse sans basket. La javanée, on la danse même en chaussette. Elle est très très facile à danser, il suffit de l'écouter. La javanée, on la danse même en chaussette. On oublie tous les soucis, c'est pourquoi je suis partie danser même sans essuyer. On la danse même en chaussette. Elle est très très facile à danser, il suffit de l'écouter. La javanée, on la danse même en chaussette. On oublie tous les soucis, c'est pourquoi je suis partie danser même sans mes souliers. La soirée, je n'ai plus du tout mal au pied. Je peux même tout éclairer, pourquoi pas tout le quartier. Car j'ai des ampoules plein les pieds que je me suis fait en dansant. Y'en a un problème au pied, d'autres plein à la tête. C'est un peu bien sûr comme moi, j'ai des idées plein la tête. Mais je sais que j'ai oublié, je n'ai pas pris non plus de chaussettes. Eh bien, merci à Franck Ledet et la javanette. La javanette, c'est sympa, ça. C'est pas la javanaise, là. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. La javanette, signée Franck Ledet. Merci, en tout cas, à Franck Ledet et sa femme, que l'on salue. Allez, après la java. Eh bien, voici un petit peu de tendresse et le boléro des vacances, eh bien, qui tombe à pic, hein. Jean-Paul Dutriau qui nous emmène danser ce boléro, Boléro des vacances. Un album en 14 titres. Allez, c'est parti. Jean-Paul Dutriau. Boléro des vacances. We'll be right back. bien, merci à Laura Vimard dans Musette Partie avec ce boléro. Boléro pour Mamie, signé Frédéric Buch, Myriam Thiébaud, Christelle Jeanblanc et Laura Vimard. Extrait de cet album À la poursuite des boutons. Alors après les boléros, eh bien la tendresse, eh bien on continue avec les marches. Allez, une petite marche interprétée par un autre saunois. Enfin, un autre saunois, on ne dit pas un autre saunois, mais un autre saunois, c'est pas pareil. Yannick Catin vient faire un tour en Haute-Saône. Eh bien, voici une petite marche, la marche des Belles Fontaines. C'est tellement agréable, une belle fontaine à voir couler. C'est vrai que c'est joli. Allez, la marche des Belles Fontaines, eh bien, c'est de Pierre-Alain Krumnacher, Martial Villemain et Yannick Catin, qui nous vient d'Arbesey. Allez, c'est parti pour les marches. Thank you. elle vient, elle fait plein de choses. De la plaine à la montagne, on l'entend. L'histoire d'une bête, il y a plus de 40 ans. Aux oreilles droites et à la queue pendante, c'est le retour de la bête des Vosges. À la jumelle, on la voit, on l'observe, sans définir si c'est le loup, c'est bête. Faisant l'attraction de chasseurs vosgiens, et même l'affaire, ses métiers parisiens. Mais c'est sans oublier ses éleveurs de Lorraine, ses attaques de troupeaux les mettant la peine. Observant jour et nuit les empreintes du loup, et à ne pas se tromper entre lynx et darou. Qui est la nôtre, ces silences, est-ce retour dans les Vosges, le Ventron à Adigny et bien d'autres. Aux yeux de certains, la légende des Vosgiens, il faut nous divertir et nous amuser. En buvant une bière en brique qui porte le même nom, l'issue de cette histoire, je vous l'ai racontée. C'était la bête des Vosges, Martial pour la chanter. Bien, merci, merci Martial. Martial Villemadan, vous êtes parti, extrait de son tout dernier album qui s'appelle Dansons au rythme des saisons. En tout cas, c'est une très jolie marche, hein, ça. De Martial Villemain et Alexis Ballandier. Musique et paroles. La bête des Vosges. Donc après les marches et la bête des Vosges, eh bien on va aller danser la valse, une première valse, et c'est Serge Berry. Serge Berry, un immense artiste, compositeur, auteur, accordoniste, chanteur. Extrait de cet album, il y a de la joie dans mon accordéon, et c'est vrai en plus. Hein. Enfin, c'est pas vraiment une valse, c'est une bourrée, donc c'est joli, jolie creusoise. Eh bien, c'est parti avec la bourrée et Serge Berry. Un album en 12 titres. Allez, c'est parti. Il nous vient de Bourges. We'll be right back. brillez en fleurs, vous êtes jolie, c'est vous mon bonheur. Fille du pays, parfum de l'amour qui dure toujours, mais moi je préfère le parfum des bruyères. Brouillères en fleurs, vous êtes jolie, c'est vous mon bonheur. Fille du pays, parfum de l'amour qui dure toujours, mais moi je préfère le parfum des bruyères. Et c'était Nathalie Bernat dans Musette Partie avec cette dernière bourrée qui s'appelle eh bien Parfum des Bruyères, signé Mathieu Martini et Nathalie Bernat, extrait de son tout dernier album qui s'appelle Étoile Occitane. Voilà, merci à Nathalie Bernat dans Musette Partie. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci d'être là à l'écoute de Musette Partie hein, sur Radio Guimauzo 107.0, Résonance FM 88.1. Une fréquence à Saint-Étienne-lès-Miremont, l'autre à la Bresse. Et là, eh bien, voici une série de tangos avec Benoît Prisbilla qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, de Mousson, plus précisément. Et donc voici une série de tangos, carrément, deux tangos. Et ce premier... Alors ça s'appelle Verdad y Passion et en jouant ce tango. Allez, place au tango, Benoît Prisbilla. Thank you. bien, merci à Benoît Prisbilla. Voilà pour les tangos. N'oubliez pas le bisou à votre cavalière. Allez, après le tango, eh bien, on poursuit avec les foxtrots. Eh bien, le premier foxtrot, là, ce premier, c'est Jérôme Richard, le célèbre présentateur de l'émission 1, 2, 3 musettes, aux côtés de Pierre-Yves Lombard. Sur Vosges Télévision. Eh bien, voici un foxtrot qui s'appelle Novelty Fox, et c'est de Pierre-Yves Lombard et Eric Faure. Allez, place au foxtrot dans Musette Party. Et cet extrait de cet album de Jérôme Richard qui s'appelle tout simplement 1, 2, 3 Musette. Thank you. bien, merci à Pierre-Alain Krumnacher, que l'on salue, on lui fait un gros bisou au passage. Hein. Voilà, donc ce dernier Foxtrot, eh bien, qui s'appelle Foxa Cadence, signé. Eh bien, Pierre-Alain Krumnacher, c'est de Alexis Ballandier, Romain Dupuis et votre serviteur. Voilà, on a fait ce Fox tous les quatre, Foxa Cadence, extrait de son album à Pierre-Alain Krumnacher, Douceur Musette. 25 titres, s'il vous plaît. C'est pas rien quand même. Il y a de quoi faire au moins. Donc merci à notre ami Pierre-Alain Krumnacher. Eh bien, on va aller danser le Boston. Avec notre ami Christophe Pesset, qui nous vient de Haute-Savoie, du Grand Bornand, hein, de Manigo plus précisément. Et voici donc justement une nuit au Grand Bornand. C'est de Jackie Delance, Jean-Louis Noton, Christophe Pesset et Jean-Michel Sonnera. Allez, nuit au Grand Bornand, extrait de son album Balade en Savoie, volume 2, 20 titres dans cet album. Allez, en piste avec le Boston. Thank you. Voilà, très joli Boston avec Delphine Lemoine à l'accordéon et ce Boston qui s'appelle Le Jour des Étoiles, signé Ludovic Beyer, Delphine Lemoine et Jean-Marc Torchi, extrait de son album La Vie en Rose. Un album en 19 titres. Voilà, merci à Delphine Lemoine. Et après Delphine Lemoine, eh bien, je vous propose d'aller danser. Allez, un petit passe-double pour faire plaisir à Huguette. Donc c'est parti avec le passodoble et El Rico, et c'est l'orchestre Jean-Claude Daniel qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, un orchestre très réputé dans la région. Voilà, on les salue au passage, hein. Et cet extrait de leur album Comme au bal, volume 6. Allez, El Rico, signé Eliane Margelli et Eric Bouvel. We'll be right back. Eh bien, merci à l'orchestre Tendance, Éric Collomb à l'accordéon et Hubert Ledan, voilà, au clavier. Et quelquefois au chant, tout comme Éric Collomb. Collomb. Voilà, non, c'est Éric Collomb. Dans Musette Party, on les salue en tout cas, on leur fait un gros bisou. Aux amis savoyards, enfin aux savoyards, oui. Et cet extrait de leur album, leur dernier album qui s'appelle Accordéon Select Volume 4, en tout 26 titres. Hein. Voilà. Voilà pour cette tendance Fiesta. C'est le titre que vous venez d'écouter ou de danser chez vous. Alors après le passo, eh bien, on va aller danser la valse avec Émilien Roy et la Chabaudoise. Alors c'est de Patrick Sangers et Benoît Chabot, extrait d'une compilation Franche-Comté en fait, avec Daniel Girard, Manu Mauguin, Benoît Chabot, Pierre-Alain Krumnacher, Florent Goris et Émilien Roy, que voici la Chabaudoise. Allez, c'est parti pour la Chabaudoise. Émilien Roy. We'll be right back. Eh bien, merci à monsieur Pierrat, Sébastien Pierrat, dans Meusette Partie, qui nous vient, enfin, originaire de Saint-Dié. Voilà. C'était Pistonnette, une très jolie valse hein, de Maurice Larchange, extrait de l'album de Sébastien Pierrat. Voilà, très belle interprétation. Sébastien Pierrat, qui se produit de temps à autre dans diverses guinguettes. Voilà, enfin, qui sillonne les Vosges, la Haute-Saône, la Haute-Marne. Enfin, un petit peu moins la Haute-Marne, plus la Haute-Saône, les Vosges. Enfin voilà, on le salue au passage, notre ami Sébastien Pierrat. Alors on reste dans les Vosges avec notre ami Alexis Ballandier. On va faire travailler les jeunes un peu. Eh bien, voici une rumba. Alors c'est Latino Rumba, signé Alexis Ballandier, Frédéric Buch et Martial Villemain. Extrait de l'album d'Alexis Ballandier, Ballantier dans les Vosges. 23 titres en entier, voilà, bien entendu. Et c'est parti avec cette rumba, Latino Rumba, Alexis Ballandier, dans Musée de Partie. Et on le salue au passage. Hein. Allez. Thank you. chansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur de plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien oui, en espérant que vous ayez passé un bon moment en notre compagnie sur les ondes de Radio Guémozo, Résonance FM, Fréquence Amitié, 107.0, 88.1, 91.3. Restez branchés sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Miremont, 88.1 à La Bresse. Les programmes continuent. Voilà, c'était votre émission Musette Party qui touche à sa fin, déjà, malheureusement. Mais heureusement, on se retrouve demain dimanche dès 7h pour la rediffusion de la semaine dernière sur Radio Guémozo et Résonance FM dès 5h demain dimanche. Et autrement, rendez-vous samedi prochain hein, entre 10h et midi sur Radio Guémozo, samedi prochain, et dès 11h sur Résonance FM, samedi. Alors, on va se quitter avec une série de tarentelles. Cette série de tarentelles, eh bien, c'est Olivier Seulac qui vous interprète cette série. Donc c'est Flora Toscana et De Rome à Napoli. Donc deux tarentelles signées Frédéric Langlais, Olivier Seulac et Jérôme Richard. Extrait de son album 100% danse. Un bel album avec de tout. Hein, du Boston, du Paso, du Madison, du Bayon, la rumba, du cha-cha, du tango, du foxtrot, je ne sais plus si je l'ai dit, et de la tarentelle. Donc c'est parti, on se quitte avec cette série. En tout cas, bonne fin de vacances ou bon début de vacances. Faites très attention à vous, portez-vous bien, profitez-en et gros bisous. Voilà, salut.